de tes trésors. Moi, je vaux mieux que tout ça. Faites de la musique sur Skyrock. وهادي سيد حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب انشا عايشة عايشة اكتتم عايشة عايشة بابا بابا عايشة عايشة listen to me Ambiance avant l'heure pour la fête de la musique sur Skyrock. Regarde où tu viens, bro. Sur toutes les lèvres, ce soir c'est l'autre soir, on célèbre. Ray-Ban fumé, pas fumé. Avec le dernier parfum à la mode, tu peux filmer. On s'est encaissé, prends pas l'adresse dans le GPS. C'est tout droit, je la teste. À part baisse, c'est du bel à baisse. Dans la caisse, la baisse. C'est l'aime, les baisses, on est pressé. Yeah. Sur Skyrock, hey, comment on passe un trop bon moment? Là, on va avoir Sultan, LECK. Et les gars, qu'on peut faire un feat à 3? LECK, pute, fille facile. J'ai déjà essayé de draguer une fille avec tes paroles. Et je lui ai dit, pute, fille facile, talon aiguille. Mais ça a pas trop bien marché. Mais du coup, comme si vous voulez, on peut faire un feat à 3, les gars. Parce que moi aussi, je viens d'une cité à la base. Je sais que tu viens du 9-4, LECK. Mais moi, je viens Hasbrook. T'inquiète même pas, on est là. Ça arrive, lourd. DJ Kaze et Fred invitent tous tes artistes préférés pour un rail suprême exceptionnel en mode fête de la musique avant l'heure sur Skyrock. Bonsoir, oh la vache! Bossez-le, bossez-le! Les potos sont libérables, mais c'est bien bon! Les euros sur la table, mais c'est bien bon! Je ne suis pas ta cam, mais c'est bien bon! Que des meufs potables, mais c'est bien bon! Bien bon! Bien bon! Quand tu portes les couilles, ouais, c'est bien bon! C'est bien bon! C'est bien bon! Si ça passe la fouille, ouais, c'est bien bon! C'est bien bon, j'y sais prendre. Quand j'envoie du lourd, j'me fais pépon. Au son de ma voix, pointe ses tétons. J'ai pas besoin d'aller lui payer du Louis Vuitton. J'm'adapte, je suis doué. Même si Skyrock veut pas jouer. Je suis un ancien écroué. Zéro numéro, j'en n'avais pas de bouée. Y'a des sommes et des pétasses. Y'a des sommes et des chicas. Dans tous les domaines, j'suis efficace. J'ai des fesses pour une dédicace. Faut pas vous faire des idées. J'prends du chacun sans vouloir la niquer. Écoutez la vérité, oui, ils m'ont sauté, mais j'ai pas paniqué. Les pinas sont libérables, oui, c'est bien bon. 1 000 euros sur la table, oui, c'est bien bon. Si vous n'êtes pas ta crame, mais c'est bien bon. Que des meufs potables, mais c'est bien bon. C'est bien bon, c'est bien bon. Quand tu portes tes couilles, ouais, c'est bien bon. C'est bien bon, c'est bien bon. Si ça passe la fouille, ouais, c'est bien bon. C'est bien bon, pris dans ma table que des bébés. En bac et béton, c'est le démon. Dis pas si ton pote, tu me connais que de nom. Valentino, j'ai toujours là le gars. Quand on leur dit ça, c'est depuis me tard. La vengeance sera ton repas. J'ai 610 dans les rues de Nieuba. Mais si t'avant pas, serait toujours là. On a des virus d'un Ebola. On a fait un western, faut des dollars. Écoutez la vérité, ils m'ont sauté, mais j'ai pas paniqué. Ils me sont libérés, oui, c'est bien bon. Ils me tirent sur la table, oui, c'est bien bon. Ils me sont dans ta cave, mais c'est bien bon. Ils me meurent pour la table, mais c'est bien bon. C'est bien bon, c'est bien bon. Quand tu portes tes couilles, ouais, c'est bien bon. C'est bien bon, c'est bien bon. Ça passe la fouille, ouais, c'est bien bon. Nigérie, marchand d'amour. LECK, LECK est dans Rail Suprême. Rail Suprême. Pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. Ville la nuit, elle aime trop ça. Les gros losa, rouge à lait, charissa, fille facile. Les hommes sont les mêmes, ouais, les hommes sont les mêmes. Oui, on a de Skyrock, LECK, elle aime trop ça. Le tube que tu ne veux pas jouer, ma gueule, c'est celui-ci, dans toutes les boîtes, dans toutes les chichas. Merci, bosse sous le toit, on y va, on y va, on y va. C'est facile. Sont les oh là là là là là. Faites péter les messages Skyrock.fr. J'ai famille, j'ai ouf. Talon aiguille, j'ai Paris et Valentino. Elle aime trop ça. Elle aime trop ça. Elle aime trop ça. Elle aime trop ça. Elle aime trop ça. Elle aime trop ça. Elle aime trop ça. Elle aime trop ça. Les gros lourds. Bientôt la fête de la musique. MHD. Premier sur MHD. Rimka. C'est Rimka. L'artiste. C'est l'artiste, baby. Ritza. Salut, c'est Ritza. Et LECK. LECK. Screech. Ils sont déjà dans Rail Suprême sur Skyrock. Pow, pow. Spécial fête de la musique sur Skyrock. Quand tu m'envoies des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos, rame toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé, j'ai pas le compte à Carter. Tu vas finir poncé, je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses ta zumba, genre tête ça au polo. Mais mon pote tient rumba, parce que t'es une proroto. Le ramadan, le ramadan. Yeah.

C'est Skyrock et dimanche soir, c'est Rise Supreme avec une spéciale ce soir, Case, dans l'émission. Eh oui, t'as vu comment on s'éclate là, on voit tout le monde. Fort. N'oubliez pas le hashtag Rise Supreme, hein, les amis. Bombardé de messages, mais c'est déjà bien parti. Ouais, je sens qu'on va finir en TT comme tous les dimanches. Et bah, balancez Rise Supreme sur Skyrock, le hashtag avec DJ Case qui est là, et pas que ce soir, parce qu'on a pu entendre là les lives, notamment de Ritza, de Sultan et le CK aussi. Ouais, et là, à venir, donc il y a MHD, l'artiste, Creedge, MRC, et comme d'hab, bah, il y a le Ilyes Jadel qui nous éclate. Qui vient ambiancer. Voilà, c'est ça, qui nous donne le smile. Et ben, ne bougez pas, il y a aussi les mix de DJ Case et ça revient juste après ça. C'est bientôt la fête de la musique. MHD. Premier sur MHD. Rimka. C'est Rimka. L'artiste. C'est l'artiste, baby. Ritza. Salut, c'est Ritza. Et le CK. Creedge sont déjà dans Rise Supreme sur Skyrock. Pow, pow. demain j'ai le bac, ce soir je suis au studio. Autant vous dire que ma vie elle pue, donc autant passer une bonne soirée. Vu que je vais pas avoir mon bac, voilà. Donc là on va avoir MHD. C'est qui ça, MHD? MHD, eh, MHD, comment t'es trop fort, comment je kiffe trop tes sons que tu fais. Fais le move. Ah, pa. Ah bah c'est pas pa. Non, ça c'est pas toi. Mais MHD, toi t'es bon. Là, toi t'es un mec. Je sais, toi ça se voit quand tu me souris. Peut-être il y a un petit truc entre nous, MHD. Je sais t'es bon. Je sais, MHD. Vas-y, MHD. Vas-y, fais-nous kiffer. On est en direct sur Skyrock, sur Rail Suprême. MHD. MHD dans Rail Suprême. Pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. Pa. Aminae. Elle fait mal à la tête, Amina me fait perdre mes moyens. J'avoue, j'ai des mots quand elle répond pas. Même dans l'obscurité, je récive ses pas. Parce que j'ai pas l'habitude, je suis pas trop galant, j'ai grandi dans la street. Les potes m'ont dit qu'à fou laisse. Femme te blesse, elle te blague et te laisse à la rue. Suffit d'un regard pour t'embobiner. Une de perdue, 10 de retrouver. Elle fait trop la mise. Amina, sur ton cœur, j'ai la main mise. Je perds pas mon temps pour des futilités. Tu m'as jeté sans même hésiter. Je sais que tu m'aimes en skate. Ce soir tu restes Amina et Mina, Mina et Amina. Amina et Mina, Mina et Amina. Amina et Amina. Amina et Amina. Amina et Amina. Amina et Amina. Tu me parles de sentiments. Tu parles de sentiments. Tu vois le buzz qui monte. Tu vois le buzz qui monte. On connaît un peu plus sur mon statut. Tu veux faire le tour du monde avec moi. De quoi tu me parles, je veux rien dépenser. Mais les tranches s'étalent. Un resto chic, un 5 étoiles. Je t'aime, c'est trop difficile. Rien nous aimer, t'es ma petite copine. Laisse-moi faire mes jazz. Me prends pas la tête pour tes coups de fil. Je t'ai piqué. Elle est folle de moi, elle veut plus me quitter. Suis-moi et je te fuis. Fuis-moi et je te laisse, y'a pas de soucis. Amina et Mina, Mina et Amina. Amina et Mina, Mina et Amina. Amina et Amina. Amina et Amina. Amina et Amina. Amina et tout est fini, tout est fini, tout est fini, tout est fini. Amina ne veut plus de moi. Tout est fini, tout est fini. Amina ne veut plus de moi. Qui est fautif? Chacun fait sa vie ce soir. C'est chacun ce soir. Amina Mina, Mina, Amina. Amina Mina, Mina, Amina. Amina Amina. Amina Amina. Amina Amina. Amina dans Rail Suprême pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. Pa. Roger Mille. On dit que je perds la tête. Je vais peut-être me voir en tête d'affiche. Le rap est over game. Si ça paye pas, moi je reste au checks. 22 Hardbox, c'est on est tous dans le bot. Je fais ce qu'il est mauvais. Seuil de 3 mois et je prends ma place. Future best. Et fuck le reste. Mon banquier m'envoie des textos depuis que j'encaisse des chèques. À moi fictif, au même pour ce que je fais, pas pour ce que je suis. Maintenant on change la donne, passe des traîneurs à bout de Jimmy. Tout est OP, la con qui me cherche, dealer chaud au quartier. Les types sont déchaînés, plus en place sur le corner. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. Faut faire ce mandou. Si parti dans le game, on l'a écoulé chez coup. On va les aligner, les mettre garda ensuite je rentre chez moi. Checks. Dans la même journée, on m'entraîne des checks. J'ai pas zappé ma paye, les bénéfices, je le mets sur le deck. Je fais les bons choix, c'est vrai qu'ils me suivent. Pas les bugs, me démarque. Le rap n'est qu'une question de survie. 2016, MH tient les rênes. Retrouve-moi en ta playlist, tout dans mon 19ème. Tout est OP, la con qui me cherche. Dealer sur le quartier, le type sont déchaînés. Tu sais, place sur le corner. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. Ça y est, je suis dans la surface. Pas facile que je suis prince de la front trap. Non, j'ai pas pris la grosse tête. Je prends la 2 entre et baisse, pareil, je reste. 19ème, c'est ma zone et c'est tout ce que j'aime. Bac qui dit que je suis pas là. J't'invite le français entre des dalles, gros. Et c'est pas facile. On reproduit le move dans toutes les villes. Tout est parti d'un freestyle à l'hôtel. Entre moi, j'ai fini sur un zénith. C'est le taf qui paye. Maintenant, je peux dormir sur mes deux oreilles. Et y'a pas de secret. Je me suis même fait des traits, des conseils. Tout est OP. La con qui me cherche. Dealer sur le quartier. Les types sont déchaînés. Tout ça en place sur le corner. Roger, Mila. Danse comme Roger, Mila. Roger, Mila. Danse comme Roger, Mila. Tout est OP. La con qui me cherche. Dealer sur le quartier. Les types sont déchaînés. Tout ça en place sur le corner. Roger, Mila. Danse comme Roger, Mila. Roger, Mila. Danse comme Roger, Mila. Tout est OP. La con qui me cherche. Sur le quartier, les types sont déchaînés. Tu sens la place sur le corner. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. Roger, Mila, danse comme Roger, Mila. C'est bientôt la fête de la musique. MHD, premier sur MHD. Rimka, c'est Rimka. L'artiste, c'est l'artiste, baby. Ritza, salut, c'est Ritza. Et le CK, Screech sont déjà dans Rail Suprême sur Skyrock. Suprême. DJ Vince with protection. Visio, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Visio, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Visio, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Visio, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Le garçon est mignon, et la fille est mignonne. Le garçon est mignon, et la fille est mignonne. Le garçon est mignon, et la fille est mignonne. Le garçon est mignon. Paris Fashion Week, DJ A Moon. You know what it is when you hear that. Bottles on me. I see you mañana. Shorty on E. In Paris, I'm gone. Tu sais déjà. Tu sais déjà. Kays et Fred avec tous tes artistes préférés pour un rail suprême exceptionnel. En mode fête de la musique avant l'heure sur Skyrock. Tout c'est déjà, tout c'est déjà. Paris, Marseille, Lille, Strasbourg, Lyon, Nantes, Bordeaux, On me dit qu'il danse à un. On me dit qu'il danse à. On me dit qu'il danse à. On me dit qu'il danse à. On me dit qu'il danse à. On me dit qu'il danse à. On me dit qu'il danse à. Musique. DJ Kays. C'était en soirée, complètement bourré. La go il la voulait, mais il la saoulait. Ouais il la voulait, mais c'était un boulet. Roulé boulet, il a tout déballé. Marrakech, Tunis, Alger, Oran, Bamako. C'est l'artiste, baby. L'artiste. Sur Skyrock. Et dans Rail Suprême. Rail Suprême. Pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. Oh là là. Hey, DJ Kays, hey, tu mets le feu sur Skyrock avec tes platines quand tu fuck, fuck, fuck, yeah, yeah. No, no, no, no, no, quoi. Hey, DJ Kays, si tu veux, je peux faire tes bacs genre. DJ Kays. Comme ça, je viens avec toi dans les clubs et tout. T'inquiète même pas. Je vais gérer des meufs Starful là, c'est vraiment. Non. L'artiste, comment t'es fort quand tu fais. T'as vu le bout, lequel là. Papa, pa, pa. Starful là, c'est Ramadan deux fois. Merde. Ouais, mais faut arrêter de faire des chansons comme ça aussi. Et là, on aura l'artiste. Avec Rimka, papa du rap français. Rimka, t'es mon papa du rap français. Rimka, je t'écoute depuis que je suis tout petit. Autant te dire que je te kiffe. Et voilà, l'artiste Rimka sur Skyrock, Rail Suprême, papa, papa, polygame, polygame. Eh oui, mesdames, chez vous, levez les mains, mettez-vous à poil. Aïe, aïe, aïe. Amikalim. Benga, benga, baila. Benga, benga, baila. Rimka, et dans Rail Suprême, dans Rail Suprême, pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. Habillé chez les grands couturiers, j'ai jeté les clés en voiturier pour boire des sangles dans un voyou dans tous les lieux. Là tout de suite il faut un million, un petit massage avec finition. Quand on arrive, ça sent la corruption. Je roule en hybride, je veux pas de pollution. Je lève mon verre aux absents, des billets claques qui sont brillants. J'ai mon verre aux absents. Faut tous mes bras dans en prison. Les sacs vides tombent dans le coffre. Dans le club, dans le bloc. On s'adapte à l'époque. J'partage la cagnotte, mon sirop, le sirop. Baby, t'es mon copilote. Gauche, droite, salsa ou rail. On t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, faut que les représailles. Ça c'est la danse des voyous. La rue nous colle à la peau. On va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau, je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça c'est la danse des voyous. On t'apprend la danse des voyous. Vas-y danse comme un voyou. On t'apprend la danse des voyous. Laissez danser avec les stars. Nous avec les stars on ch'ta. Petit, comment te chanter l'espoir? Ils vont te soulever, d'espoir. Ce monde est fou, je te l'ai déjà dit. Passer la trentaine, c'est un exploit. J'avais des rêves, mais c'est déjà dit. Je n'ai jamais voulu qu'on exploite. Alors on danse les bras écartés, en attendant la prochaine bastos. Tu fais le fou, mais tu vas casquer. À trop vouloir jouer le cassos. Gauche, droite, salsa, ouraille. On t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, faut que les représailles. Ça c'est la danse des voyous. La rue nous colle à la porte. On va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau. Je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça c'est la danse des voyous. On t'apprend la danse des voyous. Vas-y danse comme un voyou. On t'apprend la danse des voyous. Venga, venga, baila. Ça c'est la danse des voyous. Maestro. La rue nous colle à la porte. On va finir par se décimer. Le 4 mars. J'ai mon cigare, mon chapeau. Je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça c'est la danse des voyous. On t'apprend la danse des voyous. Vas-y danse comme un voyou. On t'apprend la danse des voyous. Si si la famille. L'artiste Baby Rimka. Eh c'est dispo mon cher. L'artiste sur Skyrock est dans Rail Suprême. Rail Suprême. Pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. Quand tu m'envoies des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos. Ramène toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé. J'ai pas le compte à Carter. Tu vas finir poncé. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses la Zumba. Genre t'es Sao Paulo. Mais mon pote y'a Rumba. Parce que t'es une roloto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti. Et des bouteilles d'alcool. J'te paye un jean Philippe plein. Mais ma chérie faut le remplir. C'est un corps d'un Philippe. Pas je j'vais sortir. Au pire reste mes mains. Et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de Sopala. Et j'suis en Punta Cana. Allez. Double M est dans la place, bon dîner. On est dans le studio, voilà. Près des DJ Case. Faites la musique avant l'heure dans Rail Suprême sur Skyrock. Polygame, polygame, polygame, je suis polygame, abusé. C'est mon malin, abusé. J'aime trop les femmes, abusé. C'est mon malin, abusé. Même vous, mesdames, vous vous amusez. Polygame, abusé. Pas dans ma gamme, abusé. Polygame, j'ai la fusée. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Ah mon chéri, il faut que ça sonne. C'est que l'on vit quand elle est dans la zone. Polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame. Connexion, oui. Toi et moi, oui. Connexion, maman dans son soleil, déconnexion. Maman sur ton crâne, je relâche la pression. Même ton marché, il faut pas te cacher. Ton boulet chargé, tout comme ton passé. Tu n'es pas la seule, non, faut pas te fâcher. T'es fan de moi, mais tu vas te lasser. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez moi. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allez, ah, chérie, arrête de sa somme. C'est que le mort fait quand elle est dans la zone. L'artiste baby, l'artiste. l'artiste sur Skyrock et dans Rail Suprême. Rail Suprême pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. De Clayton à Milton, t'as vu le boule qu'elle a. Cette go me rend fou. Je suis traumatisé, faut que je la pète donc je vais pas trop teaser. J'y vais, je me calme, je vais pas trottiner. J'fais genre attitude, mais à deux doigts de queener. J'fais le tour des maquerelles et je me renseigne sur elle. Si ça devient réel, les scènes seront censurées. Messieurs, calmez-vous, pas le temps pour les querelles. Tout concurrent sera éliminé. Elle fait mal, c'est si élégant, girl, pour elle c'est normal. Son charme fait de nous des sauts, ma voix. Pas de satan. Juste elle marche, j'en fais béton le joint. Envie de mon père, c'est une bête de chouin. Envie de faire du sale, envie de gâter le coin. Bellissima, ton visage est si dolce. Je m'approche un peu, histoire de négocier. Un, deux, trois verres, histoire de m'échauffer. Un, deux, trois souris, histoire de la choper. Elle fait mal, sexy, élégant, cœur pour elle, c'est normal. Ce charme fait de nous des sommes. Ouais, ma tata. C'est qu'on me rend fou. C'est le genre de femme qu'on évite. Son corps on dit de moi, je suis ébat. Ses jambes sont si longues que j'en perds ma voix. Ma belle attend que j'atterrisse. Je ferai ce qu'il faudra pour être son homme, son number one. C'est tout le monde. La fête de la musique. MHD. Promis sur MHD. Rimka. C'est Rimka. L'artiste. C'est l'artiste, baby. Ritza. Salut, c'est Ritza. Et le CK. Le CK. Screech. Ils sont déjà dans Rail Suprême sur Skyrock. Fucking $50 bill, get your hands up. You got a $20 bill, get your hands up. You got a $10 bill.

Gold. Connue dans tout Paris. Elle en veut à mon mari. Je sais qu'elle fait crari quand elle dit que je suis son mari. Je veux du fond d'un sur t-shirt, pas loin des abdos. Si tu veux boire bitch, faut cambrer le dos. L'autre, follow me, je vais lui casser le dos. Petite, va doucement, l'alcool, c'est pas de l'eau. Dites-moi, vous plaît. Là, tu follow me. DJ Case, ambiance avant l'heure pour la fête de la musique sur Skyrock. Putain, hey, j'ai dit putain, hey, c'est Vegeta sale putain, j'ai dans ma sphère. Demande à DJ McFly, j'ai pas d'adversaire. Le plus aimé de toutes, ce n'est pas un mystère. Le divolo écoute le son de la caisse claire. Tu fais la meuf exemplaire devant tes frères. Quand tu casses ta démarche, on a mal au vaussaire. Tu fais la meuf droite de perpendiculaire. Et quand je t'amène à l'hôtel, tu dis que tu veux rien faire. Jekyll et Fred invitent tous tes artistes préférés pour un rail suprême exceptionnel en mode fête de la musique avant l'heure sur Skyrock. et DJ Case. Franchement, tous les dimanches, vous allez me voir à Rail Supreme. Tous les dimanches, je vais être là. Je vais manger avec DJ Case sur Rail Supreme, sur Skyrock. Screech, c'est pas bien ce que t'as fait avec Monica. Non, parce que c'est vrai, au début, c'est vrai, elle était un peu moche. Mais maintenant, comment c'est une frappe? À vous, t'es dégoûté. À vous, t'es déçu. Chia, bien fait pour toi. Parce que Monica, franchement, fallait pas la prendre de haut comme ça. Screech, vous allez bientôt l'entendre partout parce qu'il est très très fort. On se retrouve avec Screech sur Skyrock, sur Rail Supreme. Monica. Et moi, j'ai une chanteur qui arrive. Monica. DJ Kaiser, Rail Suprême, is no good. Tu l'entends partout. DJ Kaiser, Rail Suprême. Screech est dans Rail Suprême pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. Je recevais des petits mots, ce n'était pas anodin. J'étais assis au fond de la classe avec un mauvais bulletin. Je te rejetais à chaque fois que tu venais vers moi. T'étais pas du tout mon genre, tu me suivais dans les couloirs. Tous les garçons faisaient que de se moquer. Tes lunettes rondes et tes boutons d'acné. T'étais la moins belle de la cité. T'as fait preuve de courage et de vivacité. Avant je jouais les cadors, pas à la maison mais dehors. Et tu passais devant chez moi quand tu promenais ton labrador. Monica, on y va. Si jolie Monica, nouvelle vie Monica. Clap, clap. Refais ta vie Monica. T'es si jolie Monica, nouvelle vie Monica. Ta ta la la ta ta ta ta la la ta ta ta ta la la ta ta ta ta la la ta ta ta ta la la ta ta ta ta la la ta ta la ta la la ta ta. Screech Monica. C'est pas ça après. Deuxième épisode, on s'était pas revu depuis l'école. Monica, qu'est-ce que tu fais cet après? Moi je vais au studio et après au code. Elle m'a dit j'ai pas de fun, j'ai pas ta bouffonne. La roue a tourné et maintenant tu t'étonnes. Elle a des comme les mauvais comme alors qu'à l'ancienne elle pleurait comme une conne. Je veux la conquérir mais faudrait que je me dépêche. Mais sans cœur je vais l'ouvrir à mes yeux, elle est si fraîche. Mais Monica, je prends ton billet pour Marrakech. Mais loca en visite à Rome en calèche. Mais refais ta vie Monica. T'es si jolie Monica. Nouvelle vie Monica. DJ Kai. Mais refais ta vie Monica. T'es si jolie Monica. Nouvelle vie Monica. Ça fait hey. Mais papa la papa papa pam. Para papa papa pam. Para papa papa pam. Monica. DJ Kai, Israël Suprême. Dans les Screech. Depuis le 3 juin, la famille, allez pécho ça. Refais ta vie Monica. T'es si jolie Monica. Nouvelle vie Monica. DJ Kai. Mais refais ta vie Monica. T'es si jolie Monica. Nouvelle vie Monica. Screech baby. Pa pa la pa pa pa pa pa. Pa la pa pa pa pa pa. Pa la pa pa pa pa pa. Monica. Rail Suprême. DJ Kaiser. Avec Fred et DJ Kaiser. On dirait que Rail Suprême. Grand Jalais. Screech. Ok, ça fait. Laissez-les croire que nous sommes des gringalets. J'ai promis à la madre qu'elle aura son palais. J'ai fait sa propre solo, pas besoin d'aboyer. Les jaloux ne savent que parler. Laissez-les croire que nous sommes des gringalets. J'ai promis à la madre qu'elle aura son palais. J'ai fait sa propre solo, pas besoin d'aboyer. Les jaloux ne savent que parler. J'ai fait l'amour à la poisse. En espérant qu'elle accouche du bonheur. Le bonheur n'est pas dans les liasses. L'amour nous rend avec comme Stevie Wonder. Laissez-moi, je n'ai connu que le pavé. Laissez-moi, je n'ai pas connu Miami. Laissez-moi, je n'ai connu que le pavé. Je n'ai connu que le pavé. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Méfie-toi de ton meilleur ami car il peut faire le chien. L'ignorance est un parabellum. Face au type, tu perds ta vie si tu fais l'ancien. Laissez-les croire que nous sommes des gringalets. J'ai promis à la madre qu'elle aura son palais. J'ai fait sa propre solo, pas besoin d'aboyer. Les jaloux ne savent que parler. Laissez-les croire que nous sommes des gringalets. J'ai promis à la madre qu'elle aura son palais. Laissez-les croire que nous sommes des gringalets. Les jaloux ne savent que parler. Okay. J'ai connu la galère, Amdoula, pas le bédo. Aujourd'hui je suis libérable de retour à la maison. Inch'Allah tu me pardonnes maman avant de me vaisseau. J'ai pris des risques pour m'en sortir, ce n'était pas sans raison. Sale idée de se faire péter l'été pour des faits divers. Sale idée, DJ Kaïs. Mais fatigué, mais besonné, de Rennes garde les gonesses jusqu'à Aubert. Fatigué, besonné. Laissez les croire que nous sommes des gringalets. J'ai promis à la madre qu'elle aura son palais. J'ai fait sa propre solo, pas besoin d'un voyer. Les jaloux ne savent que parler. Laissez les croire que nous sommes des gringalets. J'ai promis à la madre qu'elle aura son palais. J'ai fait sa propre solo, pas besoin d'un voyer. Les jaloux ne savent que parler. Au bout du monde, j'aimerais bien y aller. J'en ai marre de voir ma mère passer le balai. Mais le temps presse, il faut y aller. Marre de travailler, j'ai pris des risques car il le fallait. Libérable, moi je profite avant de canner. Je veux pas qu'on me jette des fleurs car elles sont fanées. Le temps presse, il faut y aller. Marre de travailler, j'ai pris des risques car il le fallait. Permis de visite, mais aucun palu. Pendant que j'écrivais mes sons dans le noir. Là, je suis dehors, le bitume s'allume. J'ai pris de l'âge, je l'ai vu dans le. Laissez-les croire que nous sommes des gringalets. J'ai promis à la madre qu'elle aura son palais. J'ai fait sa propre solo, pas besoin d'un voyer. Les jaloux ne savent que parler. Laissez-les croire que nous sommes des gringalets. J'ai promis à la madre qu'elle aura son palais. Laissez-les croire qu'on n'a pas besoin d'un voyer. Les jaloux ne savent que parler. C'est qu'un homme en général, il se fait cramer à cause de son portable. DJ Kaïs, Rai Suprême. L'album est dans les bacs. DJ Kaïs depuis le 3 juin. Amsterdam, DJ Kaïs. Comme un meurtre. Dans ton secteur germain, alors que tu es chaud comme Rihanna. Fiat 500 en location tout le mois. Et ta destination c'est Punta Cana. Pas les moyens, cherche un mec pour t'assumer. Il te faut comme Michael Kors, c'est tes UV. Pas mon délire, je crois que je me sauverai. Pas le genre de mec à me faire Amsterdam, enchaîne les coffee shops et les boîtes à Amsterdam. Les vitrines et les ex, bienvenue à Amsterdam. Elle veut quitter Paris sans jaillir à Amsterdam. S'évader et planer toute la night. Tu sais qu'un mec en général il se fait cramer à cause de son portable. Tu fais le petit salaud qui fait tomber les cœurs et qui les rend tout gueudin. Tu fais la Shakira sur les réseaux sociaux alors que t'es pas potable. Pas de limite ce soir, reste en mer Christiane qui est comme un meurtre. Avec tes copines toutes pétées. Et sur la piste avec tes copines en train de frotter. Vas-y, vas-y, check ça bébé. Vas-y, vas-y, j'claque ma monnaie. Laissez-moi danser là, j'suis là. Bébé les couilles à la douane. Bébé les couilles à la douane. Bébé les couilles à la douane. Si t'as trop forcé sur le valentine. Bébé les couilles à la douane. Bébé les couilles à la douane. Bébé les couilles à la douane. Si t'as trop forcé sur le valentine. C'est qu'un homme en général il se fait cramer à cause de son portable. Ce petit salaud qui fait tomber les cœurs et qui les rend tout gueudin. Tu fais la Shakira sur les réseaux sociaux alors que t'es pas potable. La fête de la musique, MHD. Premier sur MHD. Rimka. C'est Rimka. L'artiste. C'est l'artiste, baby. Ritza. Salut, c'est Ritza. Et le CK. Le CK. Screech. Ils sont déjà dans Rail Suprême sur Skyrock. Pow, pow. Ask. Alright. Alright. Yeah. I said 5 to a 10. I said 20 to a 50. 40 hit your water shot. If I miss, I'll ride with the Fendi. 5 to a 10. I took 20 to a 50. 40, 40, hit your water shot. If I'm insane, I ride with the Fendi. What you want? Tell me what you want. Like what you want. Like what do you want? What you want? Let a nigga know. Let me know. Let a nigga know. Whisper Dexter. Let a nigga know. Avant l'heure pour la fête de la musique sur Skyrock. MECK, MECK est dans Rail Suprême, Rail Suprême pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. J'ai pas lâché l'affaire, j'ai du poignet. C'est bientôt l'heure de tailler. La voilà qui est bourrée. de chez France et tout de oui. Fais le malin dans les clubs et toute la nuit. Stop et comme Tony, les petits sont jolis. Se tendent comme jamais de la vie. Coller la, coller la, coller la, coller la, coller la, coller la petite. J'ai mis du jazz dans ma tête, tu vas attraper la petite. Dis-tu que son petit. ambiance avant l'heure pour la fête de la musique sur Skyrock. Bizarre, quand je vois les gens danser sur la moula, ouais, t'es belle, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Oh, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Avec la connais pas la propre père. On titulaire, que c'est moi qui le brasse. Là, tu passes, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus titulaire quand la ligne est restreinte. Ngaté, appétit, quand je veux par jeu la moula du Brésil. Imbécile, je veux par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngaté, appétit, Ngaté, appétit, appétit. Ngaté, appétit. Gatti, appétit, appétit. Gatti, appétit. Parce que marcher la boule à tout Brésil. Imbécile, c'est pas bon d'ici. J'oublie les galères. Je fais l'artiste, baby. L'artiste. Sur Skyrock. Et dans Rail Suprême. Rail Suprême. Pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. Même vous, mesdames, pour vous amuser. Polygame, abusé. Quand amalgame, abusé. Polygame, je l'ai abusé. Fatigué de chercher la bombe. Ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclomorphique, appelé dans la zone. Maman, non, sans soleil, déconnexion. Maman, sur ton crâne, je relâche la pression. Bang! Comme dans ma chérie, faut pas te cacher. Ton boulet chargé, tout comme ton passé. Tu n'es pas la seule, non, faut pas te fâcher. T'es fan de moi, mais tu vas te lasser. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô, chérie, rien que ça sonne. Cyclomorphique, atelier dans la zone. Encore un classique qui nique des mœurs. Attends-toi tous, t'en es, j'fais carnage. Vroom, vroom, vroom, pousse-toi, j'accélère. J'fais faire trembler le Prado carénage. C'est la craque, comme d'hab, ça braque, ça braque. C'est sur le D-Max, c'est max. Poursuit avec la bac, la bac. Arrêtez de me prendre pour ce que je ne suis pas. T'as voulu me faire la course, mais frérot, tu suis pas. En couille, on fuit pas, en poteau, on sneak pas. À L.O.N. que l'on arrive, méfie-toi. Ils le savent, savent, qui passe aux abes. C'est cave, j'en ai rien à battre. Toute l'année ça gratte. Ça se balance à gauche à droite. Et rien que ça blablate. Moi j'en ai rien à battre. Pas de là, on va te faire mal. On danse sur les pimpes, on s'est infernal. Tu me fais le gros, tu n'as même pas 30 balles. Et tu parles trop quand t'es au tribunal. Tu te sens mal, tu te sens mal. Depuis que tu fais un, tu n'as plus d'amis. T'as gâti, t'as fait couler, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas ce que tu as fait ta vie. Que des traîtres, qu'ils aillent se faire mettre. Accélère en CBR, en SLR. Si tu me vois tout niquer, dis-toi que c'est l'heure. Fais pas de manière, je suis rap. Ils me savent, savent, qui passe aux ZAB. C'est cave, parfois je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Tu braves et j'en bave. Toute l'année ça gratte, ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Oh j'en ai rien à battre. Toute l'année ça gratte, ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate. Oh j'en ai rien à battre. En tout cas c'est pas mais on s'en fout. D'une ville à payer pour ma mère et d'une balle en DC pour les lagros. Avec Zaydi on arrache tout. Ils ont la rage tous. C'est mal parcours. Dans quelques temps on sera partout. Dans quelques temps on sera partout. T'as raclé en part tous. J'vite les cartouches. On se donne rendez-vous à l'heure. J'fais que tourner. Skyrock, faites la musique en avance dans Rail Suprême. Mon numéro 10, je dois mettre l'oseille de côté. Ils sont tous au star, mes homies. Ils comptent sur moi comme l'Hermès de Ben. Je suis riche, je m'en fiche, j'ai pas de fiche de paye. On me paye au black en showcase. Escorté, Pushka dans le top case. Nique sa mère qui veut test. Je suis tous looky, mais je vous baise. Je vous donne rencard à l'évrée. Je reste juste au-dessus en train de crailler des fraises. Je suis en attitude, des gros changements d'attitude. Ego, comme d'habitude, je pétinerai plus ce sale bitume. Ego, je suis en attitude. Changement d'attitude, ego. Comme d'habitude, je me dis ne plus de sale bitume, ego. Cet été c'est obligé, je touchais tes potos, ces femmes faut nous laisser. Bientôt on va peser de Marseille, y'a pas n'importe personne pour nous raisonner. N'importe quel réseau BCBG, mais du ghetto t'es que ton viso. NASA que black mental libido, on fait comme d'hab, on voit loin comme un visionnaire. Tes soucis laisse les tomber, fais péter la mauvaise. Rien de mauvais, c'est une vie de bohème. On ambiance la salle comme t'as pas idée. Produit des gars, ils nous a validé. J'ai sorti de l'ombre sans forcer. Y'a du potentiel, tu vas céder. DJ Kay, comment je t'ai pas encore dit depuis le début de l'émission, mais je te fais que des compliments. Je sais pas si t'as remarqué, je t'aime, je te kiffe. Mais comment, j'ai aussi kiffé ton album. Ton album, il était trop fou avec MRC quand il fait. Mais t'es un, t'es pas mon ami, mais t'es qu'une un. Et d'ailleurs, comme par hasard, comme par hasard, on va accueillir MRC. MRC, bon, MRC, je vous explique, il est turc, donc là, actuellement, il m'entend, mais il me voit pas à cause de ses sourcils. MRC, c'est Ilyes Jadel qui te parle. Je suis en direct des studios de Skyrock pour Rail Suprême. T'es avec Ilyes Jadel, t'es avec toute l'équipe. Eh, hey, MRC, vas-y, fais-nous un freestyle de folie. T'es pas mon ami, mais t'es qu'une un. Skyrock, faites la musique en avance dans Rail Suprême.

eso de que tú me llames. Después del huracán viene la calma. Eso dicen para no descontrolarme. No puedo comer, no puedo dormir, no refocarme. Solo pienso en ti. ¿Qué tengo que hacer? DJ Case, DJ Case, tu ambiance avant l'heure pour la fête de la musique. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pum, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Te dan ganas de bailar, pues dale. Con todos somos iguales. Bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Rimka, l'artiste. Vida loca, monster. Puchichi, Case. Yeah. Rimka, Rimka. Et dans Rai Suprême. Dans Rai Suprême. Pour une spéciale fête de la musique sur Skyrock. Benga, benga, baila. Habillé chez des grands couturiers. J'ai jeté les clés aux voituriers. Pour boire de cinglé. Danse de voyous, danse de guerriers. Là tout de suite il me faut un million. Un petit massage avec finition. Quand on arrive ça sent la corruption. Je roule en hybride, je fais pas de pollution. Je lève mon verre aux absents. Des billets claques qui sont brillants. Je lève mon verre aux absents. Faut tomber va tous en prison. Sac vite tombant le coffre dans le club, dans le bloc. Nous ça tape à l'époque. J'partage la cagnotte, on sirote le sirop. Baby t'es mon copilote. Gauche droite, sale samouraï. On t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, faut que les représailles. Ça c'est la danse des voyous. La rue nous colle à la peau. On va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau. Je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça c'est la danse des voyous. Faites la musique en avance dans Rai Suprême. Je m'en bats les reins du game, game. Je suis plus doué que ces amateurs. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. Je vais te faire planer même sans pilon, enfoiré. Pas la même planète, pas le même filon, enfoiré. Aucun mytho, il a que chez nous, y'a aucun mytho. يا ربنا ولحقتونا بعينيكم تهبتونا قولوا ويش تسالونا بيهم زيا وخبونا يا ربنا ولحقتونا بعينيكم تهبتونا قولوا ويش تسالونا بيهم زيا وخبونا et Fred invite tous tes artistes préférés pour un Rai Suprême exceptionnel en mode fête de la musique avant l'heure sur Skyrock. Ok, malheureusement c'est la fin de Rail Suprême. On a passé une très très bonne soirée. Il y avait DJ Case, il y avait MHD, il y avait l'artiste, il y avait Ilias Gadel. C'est moi. Donc voilà, j'étais l'hôte de cette soirée. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée en ma compagnie. Fred, arrête de me regarder comme ça. Je sais que tu me kiffes. Fred, je te kiffe aussi. Je te jure, Fred, t'es comme mon père pour moi. T'es même meilleur que mon père parce que t'es toi au moins. Toi, tu me frappes pas. Moi, malheureusement, Fred, je vais devoir te laisser parce que demain j'ai mon bac. Je sais, peut-être j'aurai pas mon bac, mais voilà, je dois partir. En attendant, vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est bon, DJ Case, arrête de me regarder comme ça. J'ai le droit de faire ma pub aussi. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @IliasJadelOff, ILYES, Jadel, DJADEL, Off, comme Off, OFF. Et vous pouvez me suivre aussi sur Snap, IIS.Jadel. Donc ça fait ILYES.Jadel. Et ça fait 1-1. Ok, je vais vous laisser en freestyle. Ok, je vais vous laisser avec DJ Case. C'est la fin de soirée suprême. Merci les auditeurs de Skyrock. Merci Rail Suprême. Merci tout le monde. Aïe aïe aïe. Si c'est bientôt la fête de la musique, MHD. Promets ce RMHD. Rimka. C'est Rimka. L'artiste. C'est l'artiste, baby. Ritza. Salut, c'est Ritza. Et le CK. Screech sont déjà dans Rail Suprême sur Skyrock.